Chapitre 12e, en prison. La prison temporaire de Saint-Basile était composée de 4 bâtiments, dont 3, de granit gris, présentaient, vu de la cour intérieure, une série de petites fenêtres percées avec une monotone régularité. Le 4e bâtiment était également de granit, mais une récente tentative avait été faite pour couvrir de plâtre sa façade sévère, et comme les ouvriers s'étaient lassés de leur travail avant de le finir, la construction avait l'air à demi écorchée. Une large tranchée, accessible çà et là par quelques marches, faisait le tour de l'édifice. Malcolm et le général y descendirent, conduits par leur gardien. Après avoir marché un certain temps, ils s'arrêtèrent devant une des nombreuses portes bardées de fer. Le soldat l'ouvrit, les poussa à l'intérieur, et la porte se referma derrière eux avec un bruit de verrou. La pièce où ils se trouvaient était de moyenne grandeur, vide de meubles sauf une table au centre et un banc courant le long du mur. Le jour venait par une petite fenêtre, donnant sur la cour, et par un basistas grillé, placé au-dessus de la porte. Dans le mur, une ouverture oblongue laissait passer la lumière d'une lampe électrique atténuée par un verre dépoli. Deux hommes occupaient déjà cette cellule. L'un d'eux, un pauvre sale et déguenillé, leva vers les nouveaux arrivants des yeux ternes. L'autre eut un regard plein d'intérêt. Il était couché, en bras de chemise, sa veste roulée lui servant d'oreiller, et son chapeau melon était pendu à un clou au-dessus de son lit. C'était un petit homme trapu, coloré, yeux gris remplis de malicieuse gaieté. Il se leva lentement et vint à Malcolm, la main tendue. « Salut, messieurs. Mon compagnon et moi vous souhaitons la bienvenue au Punaise Palace. À quand votre exécution ?»« Aujourd'hui, c'est son tour. » Il désignait du pouce le pope en train de gémir. « Je ne peux pas vous dire que j'en sois fâché, car il n'est pas plus divertissement que s'il était déjà mort. » Dans un éclair, Malcolm se rappela sa rencontre avec l'Américain à Londres et dit en souriant « Vous ne me reconnaissez pas. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. » Le prisonnier éclata de rire. « J'ai fait lever les mains à Tcherekin. » Malenkov ouvrit de grands yeux. « Ah, c'est vous, Bim !» Il ne put s'empêcher de sourire et expliqua « C'est l'Américain qui a cambriolé Tcherekin et a failli s'enfuir avec 10 millions de roubles. » Chéribim avait campé son chapeau sur sa tête. « C'est exact, mais je ne savais pas qu'il s'agissait de roubles. Vous croyez que je me serais monté le coup pour du papier sans valeur ? On m'avait dit que c'était de la monnaie française. Il y avait un autre homme dans l'affaire, il me semble. Oui, il y avait Isaac Moscava. Ils l'ont tué, le pauvre vieux. C'est un bon type, mais trop... Trop... Comment dites-vous quand on tombe amoureux de toutes les dames qu'on rencontre ? Impressionnable. C'est ça, impressionnable. Nous avions pour 20 000 $ de vrais brillants à Petrograd. Ils avaient appartenu à une princesse et nous les avions raflés chez l'ami de Grobal, le commissaire aux vivres. Mon idée était de les faire passer par la frontière suédoise. Ah, what ! Ici, y avait un béguin à Moscou. Malcolm regardait le gangster avec surprise. Vous voulez dire que vous êtes un... Je suis un chevalier d'industrie, déclara Bim avec emphase. « Chevalier est un qualificatif qui vous convient. »« Oh, je sais que ce n'est pas un terme flatteur. »« C'est la passion du tir qui m'a lancé dans les aventures, et non pas les aventures qui m'ont forcé à jouer du revolver. »« À l'âge de 7 ans, je savais tenir un fusil. »« Mon père, Dieu le bénisse, habitait à Utah, et je suis né à Brow Creek, où je me suis fait les dents sur le canon d'un pistolet. »« Tout petit, je coupais une queue de mouche ou une trompe de moustique au vol. »« C'est Isaac Moscava qui m'a amené en Russie. » Pendant que nous étions au Canada, fugitifs tous deux, il avait des relations avec les soviets et me faisait une peinture enchanteresse des petits profits qu'on pouvait réaliser à Petrograd. Alors un jour, nous sommes embarqués sur un bateau suédois. À Stockholm, un ami du défunt Isaac nous a expédiés pour payer à Petrograd. À partir de ce moment, les affaires ont bien marché. Il s'interrompit tout à coup. « J'espère que vous avez apporté des vivres. Je vous préviens qu'on crève de faim ici. » De l'eau tiède qui sent le chou, voilà notre ordinaire. Avez-vous déjà été jugé ? Demanda Malenkov. Pouh, jugé ! Est-ce que vous croyez par hasard qu'on va vous conduire devant un tribunal ou vous offrir un avocat ? Pas tant de chichi. Quand il vous faut comparaître, c'est pour vous lire votre arrêt de mort. Mais il y a des variantes. Venez voir. Il grimpa sur le banc avec une agilité extraordinaire et dressé sur la pointe des pieds, Il appliqua son œil à un petit grillage communiquant avec la cellule voisine, puis s'écartant un peu. « Regardez !» dit-il. Malcolm obéit. À peine eut-il distingué la forme humaine étendue sur un banc qu'elle se redressa comme galvanisée. C'était un vieillard tremblant d'effroi qui poussa un hurlement. « Je ne dors pas, Ospelard, tu vois bien que je ne dors pas !» Ce cri sauvage finit dans un sanglot, puis avec un long soupir, le malheureux se recoucha le dos au mur. Malcolm et Malenkov, péniblement impressionnés, se regardèrent. « Qui est-ce » demandèrent-ils à Cherubim. « Descendez de là et je vais vous le dire. Il ne faut pas parler trop fort, le pauvre vieux a déjà si peur. Vous avez entendu, hein ? J'ai d'abord cru qu'on m'avait raconté une blague, mais pas du tout. C'est un juif qui est là. Le pauvre bonhomme avait une fille ou une petite fille qu'un des camarades trouvait à son goût. Moïse a voulu la défendre et il a, d'un coup de revolver, cassé la figure du type. Alors ils l'ont emprisonné et veulent le tuer pendant son sommeil. « Pendant son sommeil ?» répéta Malcolm incrédule. « Mais oui ! Tant qu'il sera éveillé, on l'épargnera. Ils le disent du moins, de sorte que le vieux n'ose plus fermer l'œil. Moi j'imagine que lorsque son tour viendra, on lui fera son affaire, endormi ou non. » « C'est infernal !» dit Malcolm entre ses dents. Le pope, debout devant la fenêtre, s'était mis à prier à haute voix en se signant à plusieurs reprises. « Il récite l'office !» dit tout bas Malenkov, qui se découvrit. Mr. Hay, plein de compassion, s'approchait du pope et lui offrait une cigarette. « Petit père, n'y a-t-il rien que l'on puisse faire pour vous ?»« Rien, mon fils !» répondit le vieillard d'une voix faiblie. « À moins que vous ne trouviez moyen d'amener Bulba dans cette cellule. » « Oh, pour une heure !» Et la couleur revenant à ses joues pâles, il continua plus fort. « Je punirai ce Bulba, comme Saint-Yvon a puni les traîtres devant le Kremlin. Je voudrais d'abord verser sur lui de l'eau bouillante, puis de l'eau glacée, le suspendre par les pieds, l'écorcher, et avant qu'il ne soit mort, le couper en quatre morceaux. « Pouah !» fit Malcolm en s'éloignant. « Vous êtes déçu ?» dit le général. « Mon cher... « Les Russes d'aujourd'hui sont toujours les mêmes, sauf que les riches sont pauvres et que ceux qui étaient jugés sont jugés maintenant. » Son compagnon ne répondit point. Il s'étendit sur le banc aussi confortablement qu'il put et se mit à rêver. Chose curieuse, en quelques heures, il s'était habitué à sa captivité et envisageait qu'elle durât aussi longtemps que... Non, il ne voulait pas penser à la jeune fille, à la balayeuse de Bulba. Son propre sort lui était indifférent, mais le ciel lui accorderait peut-être... de revoir une dernière fois la grande duchesse. À cette agonie de l'esprit se joignait pour Malcolm une souffrance plus prosaïque. La faim, une faim dévorante, et cette sensation était partagée par les autres prisonniers. « Jamais ils n'ont été si en retard, » grommela Bim. Il alla vers la fenêtre et, s'y accoudant, regarda au dehors d'un air désolé. « Hé, Ruski !» hurla-t-il en s'adressant à un invisible personnage et se livrant à une pantomime extravagante qui n'eut aucun résultat nutritif. Il était 3 heures de l'après-midi et Malcolm sommeillait lorsque les verrous glissèrent, la clé tourna dans la serrure et la porte s'ouvrit doucement. Malcolm sauta sur ses pieds. « Irène, votre Altesse ? » balbutia-t-il. La jeune fille avança silencieusement et posa sur la table le grand panier qu'elle portait. Un peu de couleur vint à ses joues lorsqu'elle se tourna vers le jeune homme et lui tendit les mains. « Pauvre enfant, » dit-il. « Master Hay, vous avez fait des progrès en russe depuis que je ne vous ai vu, n'est-ce pas, général Malenkov ?» Le général, figé dans une attitude respectueuse, fit le salut militaire, au grand amusement du geôlier resté sur le seuil. « Je vous apporte votre repas, » reprit la grande duchesse. « Il en sera ainsi chaque jour, désormais. C'est une idée de Bulba. « Master Hay, j'imagine qu'il croit que... j'ai de l'affection pour vous. Et c'est vrai, » continua-t-elle avec franchise, « tous ceux qui bravent le danger pour sauver une femme méritent ma sympathie. » Elle sourit de nouveau. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda Malcolm à voix basse. « Êtes-vous libre ? N'avez-vous pas d'amis ?» Irène secoua la tête et répondit sur le même ton. « J'ai un ami, mais il est encore plus en danger que moi. Non, je ne parle pas de vous, Master Hay. Il y a une chance... pour que vous sortiez de cette affreuse prison. C'est une chance bien faible, il est vrai, mais si cela arrive, promettez-moi de quitter la Russie. Non, Altesse, vous m'avez déjà demandé cela jadis, mais j'ai encore plus d'objections à vous obéir maintenant qu'autrefois, car le danger est plus certain. » Elle lui tendit les mains, il les baisa, et resta comme hors de lui longtemps après que la porte se fut refermée derrière la jeune fille.